Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va pas... Ah, c'est la dernière chronique de pêche, parce que la chasse s'en vient à grands pas. Puis on sait qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens sont mordus de chasse. On en parle avec Claude Roy. Salut, Claude. Hey, bonjour, tout le monde. Oui, Claude, évidemment, parce que la chasse, écoute, même si la chasse va ouvrir, quoi, dans 3 semaines, 1 mois déjà? Ben, ouais, à peu près, ouais. Indépendamment des régions, il va falloir vérifier tout le monde ensemble le calendrier. Ouais. C'est bien important. Je ne donne jamais de date et de zone. Il faut absolument que les gens aillent s'informer eux-mêmes pour être sûr que je commette pas de bévue et que personne ne se mette dans le trouble à cause de moi. Là. OK. Donc, on va y aller avec maintenant avec ta dernière chronique de pêche. La dernière chronique de pêche, ça se veut une chronique. Là, le poisson est rendu où? Qu'est-ce que le poisson va faire dans les prochains jours et les prochaines semaines? C'est bien important. Là, le poisson va s'approcher. Pas tout de suite, parce que l'eau a besoin d'être à 46-48 pour la période de frais, mais les nuits sont déjà beaucoup plus fraîches, l'eau a commencé à rafraîchir, les ruisseaux en forêt ont moins de soleil, ont moins d'ensoleillement, moins de chaleur, donc c'est important, ça va être important que les gens pensent à ça. Il faut absolument se rapprocher le plus possible des ruisseaux, des entrées d'eau, et c'est dans ces baies-là qu'on va retrouver notre poisson. Donc, partout où vous avez les entrées d'eau, vérifiez votre température. Aujourd'hui, il y a des températures qui sont vendues dans les quincailleries. On sert de ça dans les maisons, on sert de ça partout. C'est un thermomètre, une température de surface de l'eau. Oui. Et vous allez voir les changements de température. Et dès qu'il va y avoir un courant d'eau froide, la truite là, est tannée d'avoir... La truite puis le doré sont tannés d'avoir de l'eau chaude. Ils cherchent de l'eau fraîche. Fait que toutes les entrées de ruisseaux, les entrées de rivières, les petites chutes, vont être des points bien précis, c'est ainsi. Puis en plus de ça, bien, autant on a besoin des roches chaudes au printemps, autant on va avoir la fraîcheur des roches rendues c'est ainsi. Donc la nuit, les roches deviennent plus fraîches, l'eau alentour de ces roches-là devient plus fraîche, et le phénomène est contraire au printemps, où l'eau alentour des roches devient plus chaude, là, elle va devenir plus fraîche. Donc, les entrées de ruisseaux, les baies peu profondes, les endroits à l'abri du soleil, partout où on a des petites chutes qui tombent dans le lac ou dans les rivières, là, dans un petit méandre, c'est là qu'on va aller explorer pour nos truites qui vont s'approcher des frayères et qui vont aller frayer, bien sûr, on le sait, dans le courant de notre période de chasse, en pleine période de chasse, les gens qui vont en ruisseau voient la truite en train de frayer, où ça va y prendre de l'eau à une température d'environ 48 à 50 degrés. Entre 46 et 50 pour que la truite puisse plus aller frayer. On sait que le doré fraye au printemps, donc lui, il va simplement s'approcher dans des endroits pour l'hiver, des endroits où il va être plus confortable, mais le doré, on le pêche jusqu'à la fin de l'automne, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. OK, OK. Donc, puis évidemment, ben, c'est une belle année encore de pêche, donc c'est intéressant. La semaine prochaine, on commence à parler de chasse, parce que les trucs... Oui, on va commencer à parler de chasse, parce que là, on va commencer à préparer nos territoires. Déjà. On est allé faire une couple de visites, fait que là, la semaine prochaine, on va parler de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met pour nos salines, comment on prépare notre territoire pour la saison de chasse qui s'en vient. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, David. Voilà, donc, c'était la chronique de Claude Roy.